Archi Radio. Archi Doux. Archi Cool. La radio du festival Archipel. Archi Chouette. En direct. De 10h à midi. Archi Nul. Sur Archipel. Archi Fort. Archi Grand. Point org. Bonjour Archi Radio. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est au 7e jour, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Hier, on était au 6e. On se rapproche de la fin. Du week-end final. Du grand week-end final. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi, j'étais un peu absent. J'ai pris un peu de off, mais il y a eu un concert au Victoria Hall et puis une diffusion exactement. De Vincent Deroguin. Donc hier, concert au Victoria Hall où je n'étais pas, mais par contre... Il y avait nos envoyés spéciaux. Il y avait nos envoyés spéciaux. Simon et Jérémy, qui ont enregistré des petits bouts. Peut-être que Simon voudrait dire quelques mots sur ce concert. Sur son expérience au Victoria Hall. Hein. Sur les dorures. Simon se rapproche. Du coup, on peut écouter la capsule sonore. Mais du coup, dans la capsule, j'avais envie de partager un son que Louis Shield nous a partagé pendant le partage d'écoute hier. C'est un son qui m'a beaucoup plu. Donc j'avais envie de le partager. Et puis aussi, on va entendre l'atelier des enfants. Et à la fin, donc ça finit avec un extrait du concert de Victoria Hall. Le concert au Victoria Hall, pardon. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était la première fois que tu allais dans un lieu comme le Victoria Hall à écouter un orchestre. C'est ça. C'était la première fois, donc c'était assez intimidant au début. Et puis après... Et intimidant, pourquoi? Parce que moi non plus, je n'y suis jamais allée. C'est le lieu qui est assez impressionnant, d'être aussi face à un orchestre comme ça. C'était une première pour moi. Puis j'étais tout devant, en fait. On n'a pas choisi nos places et j'étais tout devant et c'était assez impressionnant. Ah, vous étiez les VIP. Et puis, tu avais un enregistreur avec toi. Oui, c'est ça. Tu m'as dit que tu as été un peu regardé de travers par... Oui. C'est, Ils ne sont pas habitués à la radio. De quoi? Ils ne sont pas habitués à avoir des... Oui, voilà, je pense que ça a dû alerter peut-être certaines personnes, mais... Les reporters... Ouais. J'ai pas tout enregistré ainsi. Pour les rassurer sur les droits d'auteur. Ok, merci. Et puis, est-ce que quelqu'un est allé voir la diffusion de Vincent Deroguin dans le salon d'écoute? Oui. Mais on y était avec Rudy. Et puis, ouais, voilà. Et tant d'autres. Et tant d'autres, exactement. Et moi, c'est un moment qui m'a particulièrement plu du festival. Surtout de comprendre un peu la manière dont Vincent avait travaillé pour produire ses sons et composer. Et en même temps, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, puisque ça va être ce que va raconter Doris dans le cadre de sa capsule de demain, vu qu'elle va rencontrer, en fait, son idée, c'est aujourd'hui d'aller voir Vincent et de lui demander de parler un peu de sa démarche et de son travail. Mais voilà, je sais pas si, Rudy, tu aurais des impressions plus précises que les miennes. Certainement pas. On garde un peu de mystère jusqu'à demain sur exactement. La performance de Vincent Deroguin. On passe à la capsule de hier, faite par Simon et Perrine. On écoute. Oh, On a besoin de ça, d'accord ? Donc là, on sort de la ligne, on a fini tout le truc, vous sautez devant sur le troisième temps. Et c'est parti, 3, 4. Il faut se mettre vers le public, tout le monde regarde le public. Hein. Simon et Perrine pour ce que, petit résumé du... Que Simon, c'était pas Perrine. C'était que Simon, ouais, ok, ouais. Pardon. Alors, que Simon, ben, on a entendu une partie du salon d'écoute de Louise Shield et le workshop avec les enfants, de musique pour le corps, au fait avec le corps, et le concert au Victoria Hall. On ne l'a pas entendu, mais on s'en dérogue, qu'on l'entendra demain, donc dans la capsule avec Doris. Tout à fait, et puis oui, c'était seulement Simon, puisque Perrine était occupée à réaliser un documentaire sur la cuisine. Sur le cœur du festival, la cantine de l'archipel, et que l'on entendra tout à l'heure. Exactement, voilà, c'est le documentaire du jour réalisé par Perrine.